Passer l'initiation, c'est amener le contact sous sa volonté à avoir la capacité de fermer le canal, mais on reste testé chaque fois qu'on parle, ça dévoile des choses. C'est ça la force, parce que la base de tout, c'est vraiment au moins d'avoir une capacité, d'avoir un confort, puis une capacité de vivre bien, puis d'avoir une capacité de rapidement venir à bout de... par rapport à ce qui se passe, de venir à bout de s'arranger quand même, quand il manque quelque chose. C'est pour ça, il me manque seulement l'aspect financier, économique. Ça, je trouve, c'est pour ça l'affaire d'avoir la crainte de rater son initiation. Peut-être serait bien un temps de se concentrer sur le côté pragmatique, puis de laisser faire un peu tout ce qui est un peu cosmique, là. Parce que être tout le temps dans le stress, à cause de la précarité, ça peut pas être bon. Déjà là, s'il y a quelque chose, il faudrait se recentrer sur ça un peu. C'est comme à un moment donné, Bernard, il disait, le monde, ils mettent le social en premier, puis la santé en dernier, puis le financier en dernier. Il dit à un moment donné, il va y avoir une inversion de tout ça. C'est-à-dire, il faut mettre la santé, puis le financier en premier, puis le social en dernier, mais à un moment donné, il va falloir horizontaliser ça. On ne peut pas être en santé si on est pauvre, puis qu'on ne mange pas bien. On ne peut pas avoir des moyens, puis être socialement, financièrement viable si on n'a pas de social. Si on n'était pas de... C'est pour ça, là, l'affaire de... C'est vraiment retomber dans du pragmatique puis du pratique. Puis un peu, maintenant, l'initiation, ça, c'est tellement... J'ai de la misère avec ça, dans le sens que je l'ai vécu, ça, là, la précarité, puis c'est tellement important. À un moment donné, comme il y en a un moment donné qui m'écrivait puis il me reprochait d'être beaucoup axé... sur l'argent. Ben oui, mais c'est important. C'est important. C'est pour ça que j'ai passé un bout de temps à me concentrer sur les sciences de l'argent. Puis, il y a longtemps, j'ai tellement spiritualisé que je pensais même que si j'étais bon puis fin, que j'allais à. Tu sais, que comme si les forces allaient prendre soin de moi puis que j'aurais pas de problème. Il a fallu que je souffre de la précarité un bout de temps pour comprendre que ça ne marche pas de même. Donc, l'affaire, ça a mis le contexte sous sa volonté. Ça va se faire à force de déception puis de colère. Puis à un moment donné, là, quand que ça te dit des choses qui t'ont mis dans le trouble, c'est facile après fermer le canal. Parce que tu viens tellement en crise, tu viens tellement en colère, tu dis, oh, vous autres, je veux rien savoir, puis on vient qu'on veut même pas. En tout cas.